des épreuves du baccalauréat. 35 600 candidats de l'Académie de Rouen de 16 à 60 ans vont débuter les écrits dès 8h ce matin avec, pour les filières générales, les épreuves donc de philosophie. On passe à la circulation avec le tunnel de la Grand Mare qui vient de rouvrir, comme c'est le cas chaque matin à 6h. Le tunnel est fermé toute la nuit pour cause de travaux et invite les automobilistes à emprunter deux déviations, S1 et S2, qui passent par Darnétal ou Biorel. Au grand dam des riverains, ce sont les habitants du plateau des provinces qui sont les plus touchés par les nuisances. Hier soir, à l'appel du maire de Biorel, ils se sont rassemblés pour exprimer leur mécontentement. C'est des nuisances insupportables, les camions de tout le pays qui klaxonnent et qui sont au pied de nos immeubles. Et ça, ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Lundi, c'est dans les deux sens. Donc, 3h du matin, moi, je dormais pas. On a du double vitrage pourtant. Hein. Ça devient intenable pour la pollution et pour le bruit des camions à 4h du matin. Moi, je me lève tous les jours à 5h. À 3h, je suis réveillée tous les jours. On n'arrive pas à entendre la télé. On n'arrive pas à dormir les fenêtres ouvertes. Ça commence à bien faire. Voilà les riverains qui espèrent une déviation par l'autoroute A29, comme c'était le cas lors de la fermeture du pont Mathilde. Chaque jour, 40 000 véhicules, dont 4 000 poids lourds, empruntent le tunnel de la Grand Mare. Dans l'actualité également, trois membres de la famille Villemain sont toujours en garde à vue ce matin, entendus près de 33 ans après la mort du petit Grégory. Les interpellations ont lieu dans l'entourage du père de l'enfant, l'oncle, la tante et la belle-sœur respectivement, arrêtés à Monzé et à Arches dans les Vosges. Les enquêteurs cherchent à éclaircir certains points. Un pas de géant sur le chemin de la vérité, selon l'avocat des époux Villemain. L'incendie d'une tour HLM à Londres a fait au moins 12 morts. 78 personnes sont également hospitalisées, dont 18 dans un état grave. De l'aveu même du maire de Londres, le bilan risque de s'alourdir car les recherches dans l'immeuble ravagé vont se poursuivre et de nombreuses personnes sont portées disparues. L'origine du sinistre reste à déterminer, mais les matériaux utilisés pour la rénovation auraient favorisé la propagation rapide des flammes. Enfin, un mot de foot avec l'équipe de Quevilly-Rouen Métropole qui vient d'annoncer sa première recrue pour la saison prochaine. Il s'agit de Jonathan Clauss qui évolue actuellement au sein de l'équipe de l'US Avranches. Très bonne journée sur Chéri FM Rouen. Tous les matins, le réveil chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. C'est nous, bonjour, bon réveil, Patrick Bruel dans un instant. Là, il y a Sam Martin avec Dangerous. Et ben voilà, on se réveille comme ça avec un petit coup de piano sur Chéri FM. Ça fait du bien, Chéri FM, pas pleuve musique. You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. I don't know where the lights are taking us, but something in the réveil, 6h05. Bonjour les boulangers. Eh, dis donc, les boulangers vont avoir chaud parce que, franchement. Clairement. Là, bah, on va là... tous avoir chaud, mais eux en particulier, donc bon courage. Franchement, merci. Hein. Patrick Bruel, dans un instant. Il y aura aussi Alok et Indochine sur Chéri FM. Ça a été ton mercredi, Stéphanie? Super, tout va bien. Bon, super. Le seul problème, c'est que j'ai fait une insomnie, probablement due à la chaleur. Du coup, conséquence de l'insomnie, j'ai eu une fringale nocturne. Est-ce que vous connaissez ces problèmes-là? Ça arrive, ouais, ça arrive. Alors, je n'arrivais pas à dormir, je me suis levée, je suis allée dans mon placard à gâteaux, je me suis fait la moitié d'un paquet. Bon, cela dit, c'est plus rapide. Voilà. C'est plus rapide qu'une paella ou un cassoulet quand même. Oui, mais c'est pas bien de manger le soir. En plus, je faisais gaffe au sucre. J'étais hyper bien, j'étais sur de l'asperge et tout. Bam, on a dérapé, on est parti sur là, un paquet de gâteaux. Oh, cool. Bon, et toi, ça a été? Ah, moi, hier soir, j'ai fait une soirée incroyable. Je me suis retrouvé à écouter de la musique classique dans un théâtre. Enfin, dans un théâtre. C'était au théâtre des Champs-Élysées. Et alors, c'était pour Amnesty International. Ah oui, j'ai vu que t'avais posté des trucs. Ouais, la bonne cause, en l'occurrence. Il y avait Clotilde Courau qui était là, qui était la présidente de l'événement, qui a fait un discours magnifique. Elle m'a mis la larme à l'œil. Et non, alors dis donc, c'était bien. Il y avait des cordes, des cuivres et tout. Les gars qui tapaient, les percus, les zinzins. Oh là là, c'était. Ça m'a plu, j'étais content. Ça avait l'air chouette, mais c'est quoi l'objet de cette réunion? C'est caritatif, voilà, c'est ça. L'idée, c'est de rapporter de l'argent à Amnesty International, qui, vous le savez, défend les droits de l'homme, entre autres. Bah, très bien. Donc c'est bien. Moi, j'aime bien l'idée quand les mondanités ont un motif et que ça permet de venir en aide à ceux qui en ont vraiment besoin. Alors moi, d'habitude, je suis pas mondain, je fais pas ce genre de choses, mais j'y suis allé hier et j'ai passé une soirée formidable, d'ailleurs. Oh, c'était une soirée formidable. Formidable. Oh, j'avais mis mon beau haïe. Oh, écoute, non, vraiment. Bon, bah voilà, et alors on est content de vous retrouver parce que de la musique, justement, ça continue sur Chéri FM dans un autre registre, bien sûr. Là, c'est Patrick Bruel. Oh, salut Patoche. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. Le jour est venu et moi aussi. Mais je veux pas être le premier. Si on n'avait plus rien à se dire, ici, ici, je fais des détours dans le quartier. C'est fou ce qu'un crépuscule de printemps rappelle le même crépuscule d'il y a 10 ans. Trottoir usé par les regards baissés. Qu'est-ce que j'ai fait de ces années? J'ai pas flotté tranquille sur l'eau. Pas nager le vent dans le dos. Dernière ligne droite, la rue sous flot. Combien sont là? 4, 3, 2, 1, 0. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même port. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'avais eu si souvent envie d'elle. La belle Séverine me regardera à terre. Eric voulait explorer le subconscient. Remonte-t-il à la surface de temps en temps? J'ai un peu peur de traverser le miroir. Si j'y allais pas, je me serais trompé d'un soir. Devant une vitrine d'antiquité, j'imagine les retrouvailles de l'amitié. T'as pas changé, qu'est-ce que tu deviens? Fais médecin. Et toi Pascal, je pars toujours pour rien. Allez. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même pas. On verra quand on aura 30 ans sur les marches de la place des grands hommes. J'ai connu des marées hautes et des marées basses. Comme vous, comme vous, comme vous. J'ai rencontré des tempêtes et des bourrasques. Toi Marco, qui ambitionnais simplement d'être heureux dans la vie. As-tu réussi ton pari? Et toi François, et toi Laurence, et toi Marion, et toi Gégé, et toi Bruno, et toi Evelyne. Mars est formidable, les copains, On s'est tout dit, on serre la main. On peut pas mettre 10 ans sur table. Comme on étale, c'est d'être au Scrabble. Dans la vitrine, je vois le reflet d'une lycéenne derrière moi. Elle part à gauche, je la suivrai. Si c'est à droite, attendez-moi. Attendez-moi. Merci Patrick Bruel qui est en tournée partout en Europe là depuis 2 semaines. Il n'arrête pas, il enchaîne les dates, il n'arrête pas. Alok dans un instant et Indochine se prépare sur Chéri FM bien sûr dans le stupide mais vrai. Qu'est-ce que tu nous as trouvé Stéphanie? Je vais vous parler d'une invention révolutionnaire qui a été proposée par un étudiant israélien. Ah ouais, qui pourrait bouleverser notre quotidien, notre façon de cuisiner. Ah parfait, ouais, j'adore la cuisine, ça tombe bien, on fait ça après. Tu vas pas être déçu. Indochine et Alok, ah ouais? Ouais. Ah bah très bien, on fait ça, on en parle donc à la météo. Il y aura aussi Whitney Houston avant les infos de 6h30. Bon réveil avec nous, c'est Chéri FM. Le réveil chéri, Vincent Cerutti. Salut, c'est Amir sur Chéri FM. Ça vous dit un duo avec moi? Ah ouais, ouais, j'en rêve là. Rendez-vous maintenant sur chérifm.fr. Reprenez ma chanson au cœur de moi et dans quelques jours, on sélectionnera notre préféré dans le réveil chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Les ventes privées Conforama sont arrivées. Des ventes très privées. Avec votre carte Confo Plus, bénéficiez de remises allant jusqu'à moins 50% sur une sélection d'électroménagers, de literie, de déco. Le plus dur, c'est de choisir. Avec la carte Confo Plus, soyez avantagés toute l'année. Conforama, le confort pour tous. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, conditions sur conforama.fr. Leclerc. Philippe, viens voir. Regarde, en ce moment, c'est le festival Culturissimo Leclerc. Pour 2 livres d'une même collection achetée, un 3e est offert. Ouh, c'est génial ça. Pendant le festival Culturissimo, du 13 au 24 juin chez Leclerc et dans les espaces culturels Leclerc, à l'occasion des opérations Pocket, Livre de poche, J'ai lu et Folio, pour 2 livres de poche de la même collection achetée, un 3e est offert parmi une sélection de titres proposés par chaque éditeur. Voir disponibilité et modalités dans les magasins participants dans la limite des stocks disponibles. Je peux voir ce que t'as pris? Non, mon choix, mes livres. À vos marques, prêts? Et c'est parti entre la DSL et la fibre. Et la fibre a pris un départ canon, elle rafle tout sur son passage. Photos, vidéos, fichiers, elle télécharge à une vitesse incroyable. Tout à fait Thomas, la fibre semble en effet sûre de finir la course en tête avec même plusieurs connexions simultanées. Quelle vitesse! La fibre free, c'est vraiment quelque chose! Découvrez vite la vitesse de la fibre free jusqu'à 1 gigabit par seconde en réception et 200 mégabits par seconde en émission. Offre soumise à condition sous réserve d'éligibilité et de raccordement à la fibre. Débit max théorique. Plus d'infos sur free.fr ou au 1044. C'est de la folie! 6h-9h, le réveil chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Whitney Houston et Indochine et Alok arrivent tout de suite dans le réveil chéri. Et la météo qui arrive. Oh, elle est là. Bonjour, et votre météo donc sur la métropole rouennaise avec encore une belle journée qui s'annonce. On attend du soleil ce matin, beau ciel bleu, quelques nuages ensuite cet après-midi, un peu de vent également. Il soufflera jusqu'à 45 km/h en rafale. Il fera chaud encore aujourd'hui, jusqu'à 25 degrés attendus à Malonnet et au Grand Queville. Comptez 14 degrés pour le moment à Rouen et Saint-Aubin-lès-Elbeuf. Quel temps pour demain vendredi? Il fera entre 11 et 23 degrés avec du soleil prévu toute la journée. On attend ensuite du soleil de nouveau samedi avec un thermomètre qui oscillera entre 11 et 26 degrés pour les maximales. Voilà pour la météo. Très bonne journée. Bon réveil sur Chéri FM Rouen. Allez, il y a Indochine qui arrive sur Chéri FM avec Alok et vous allez pouvoir acheter vos places pour la tournée d'Indochine à partir de mardi si ça vous fait plaisir. Très bonne nouvelle. Voilà. Moi, je vais vous donner, raconter une histoire qui vous permet de cuisiner différemment chez vous. C'est bizarre. Il est 6h15, c'est Chéri FM, bienvenue. Can you get to hear me now? Chérie FM, votre réveil détendu et de meilleure humeur. Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Le réveil chéri. De la bonne humeur et vous bien sûr tous les matins sur Chérie FM, la musique la plus variée, oui, avec Whitney Houston qui arrive dans un instant. Et dis donc, c'est pas l'heure de ton stupide mais vrai, si. Stéphanie, j'ai l'impression. Alors c'est quoi cette histoire de cuisine? Alors cette histoire de cuisine, c'est l'invention d'un étudiant israélien qui s'appelle Iftar Gazit. Bon. Lui, il a eu une idée assez insolite, mais après voilà, tu te feras ton avis là-dessus. Cette idée, il l'a eu en discutant avec des SDF dans son pays, dans sa ville. Ouais. En fait, il s'est dit, tiens, il faut changer la façon de faire la cuisine. Ouais. Et il a trouvé une astuce qui permet de cuire les aliments dans votre machine à laver. D'accord, pourquoi en gros, pas oui. Il a inventé un sac qui se ferme hermétiquement avec une matière particulière à l'intérieur duquel on peut mettre les aliments qui cuisent comme ça sur un long programme de machine à laver. Faut mieux laver ses fringues à 90 degrés du coup, parce que si tu les laves à 30, ça cuit pas. Alors c'est la machine à laver la vaisselle. Ah, je croyais que c'était le linge. Ouais, d'accord. C'est la machine à laver la vaisselle et après tu peux juste en mettre un petit programme. Évidemment, tu ne mets pas le produit. C'est une sorte de bain-marie en fait. C'est une sorte de cuisson vapeur. Voilà. Après, c'est bizarre. Moi, j'avoue, ça, je trouve ça bizarre de faire cuire son poulet dans la machine à laver la vaisselle. Pourquoi pas? Mais lui, il s'est dit, ça peut peut-être venir en aide à des gens qui ne disposent pas de cuisine et pas de ce qu'il faut autour d'eux. Pourquoi pas? Je trouve l'argument très louable. C'est rigolo, hein, c'est marrant. Et sur un petit programme long, comme ça, on peut se faire une blanquette. Je vais essayer. On est tranquille. Je vais essayer. Allez, on continue avec un couple de Britanniques. Ils ont complètement dérapé les English. Ils ont pris un vol Ryanair qui allait de Manchester à Ibiza. Oula. Ils se sont dit, allez, on est foufou. Ça devait être bruyant. Hein. Bah écoute, du coup, ils ont picolé un peu trop. Ah oui. Et ils ont eu un gros coup de chaud puisqu'ils ont commencé à demander si les voisins avaient des préservatifs, puis à faire un câlin. Publiquement dans le cockpit, ce qui a gêné tout le monde. Un monsieur a fait des images, mais encore une fois, nous ne les passerons pas puisque nous ne sommes pas Jackie et Michel. C'est vrai, on peut même pas mettre un petit extrait sur même la page pas. Facebook. Oh, même non, pas. Bon bah cherchez sur YouTube ou je ne sais où alors si vous voulez vraiment voir ça. Hein, faites des câlins à la maison, tranquille, entre vous, comme vous voulez, ça nous regarde pas, mais pas dans un avion. Bah oui, bah, enfin cela dit, c'est de là peut-être que vient la phrase s'envoyer en l'air pour le coup, tu vois. Ah bah elle est récente alors. Elle est très récente. Allez, voici Whitney Houston sur Chérie. Bonjour. Bienvenue, bonjour, bon réveil, c'est Chérie FM, merci d'être avec nous, 6h25, tiens les infos dans un instant, Julien Doré se prépare, Hiro City, Diano, Ferro, que de la musique sympa, hein, ça fait plaisir. Allez, elle démarre bien cette journée, surtout on pense à tous les bacheliers hein, qui sont en route pour aller passer leurs épreuves aujourd'hui, c'est la philo ce matin pour les terminales, c'est le français cet après-midi pour les premières, et puis on pense à tous les autres, hein, ceux qui passent des bacs pro, et puis plein d'autres examens, c'est la période, ça nous rappelle quand même cette période d'examen, la boule les au maths. Ventre. Moi, je détestais les maths, c'était un enfer. Ah, moi, j'aimais pas non plus les maths, mais je crois qu'au-dessus des maths, il y avait la physique. Mais c'est souvent lié à un prof, une matière. Ouais. Moi, je détestais la. C'est toujours la faute des autres, hein, t'as remarqué. Ben non, mais c'est vrai qu'un bon prof te fait aimer une matière. Moi, j'avais un prof qui s'appelait Monsieur Chanard en physique. S'il nous écoute, je l'embrasse malgré tout. Hein. Mais il avait complètement pété un plomb. Hein. C'est-à-dire qu'il nous balançait des quartiers de mandarines à la tête quand on donnait pas les bonnes réponses. J'étais traumatisé des fruits pendant des années. Moi, j'avais un prof de maths, c'était génial parce qu'il était tout le temps bourré. C'était drôle. Mais c'était drôle. Et pour le coup, ça m'a pas fait aimer les maths non plus, hein, tu vois. Mais c'est. Il était d'équerre tout le temps. Mais c'était drôle. Bien, c'est recommandé, hein, bien sûr. Non, mais il était malade, hein, cela dit. Bon, bref, peu importe, je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Mais j'étais nul en maths, mais plus mauvais, mais tu pouvais pas trouver. Hein. C'était un cauchemar. Ah bah, on a chacun nos mauvais souvenirs des matières qu'on détestait à l'école. Je sais pas quelles étaient les vôtres. Nous, avec Vincent, on est sur la physique et les maths. Ah, oui, voilà. Alors, racontez-nous, vous, c'était quoi la matière que vous détestiez à l'école, au lycée, au collège, à la fac, où vous voulez, entre 39-37 ou sur la page Facebook, et puis on en parle avec Julien Doré. Enfin, après Julien Doré, parce qu'on va pas appeler Julien ce soir-là. Hein. Oh, bah, tu sais, ça me dérangerait pas. Hein. Bon, alors on appelle Julien. Il va être ravi. Cela dit, très matinal. Il est 6h26, c'est Chéri FM que vous écoutez. Bonjour. Le réveil chéri, Vincent Cerutti. Chéri FM. Toutes vos musiques préférées.

Et comme tous les matins, l'essentiel de l'actu sur Chéri FM Rouen, c'est avec Natacha Botegal. Bonjour Natacha, et on commence par la météo. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Chaleur et soleil sont de nouveau au programme de votre journée sur la métropole rouennaise, avec quand même quelques nuages par moment, un peu de vent cet après-midi. Il fait 15 degrés pour le moment à Maromme et Barentin. On attend jusqu'à 25 degrés cet après-midi à Rouen et Belbeuf. C'était la météo sur Chéri FM avec Pérenne, votre agenceur de cuisine à Barentin depuis plus de 20 ans. Retrouvez-nous sur pérenne.fr. Ils sont 20 600 élèves de terminale à passer les épreuves du baccalauréat dès ce matin dans l'académie de Rouen, dont la moitié en filière technologique et professionnelle. Le candidat le plus jeune est âgé de 16 ans, le plus âgé de 60 ans. On passe à la circulation avec le tunnel de la Grand Mare qui vient de rouvrir, comme c'est le cas chaque matin à 6h. Le tunnel ferme à 20h pour cause de travaux. Les automobilistes sont invités à emprunter deux déviations S1 ou S2 qui passe par Darnétal ou Biorel, au grand dam des riverains. Ce sont les habitants du plateau des provinces qui sont les plus touchés par les nuisances. Hier soir, le maire de Biorel, Pascal Houbron, appelait un rassemblement de contestation. Ici, ce sont essentiellement les habitants et la municipalité qui les soutient, évidemment. Des gens qui subissent tout simplement ces pollutions, ces nuisances sonores, y compris la nuit. Près de 2000 camions passent toutes les nuits ici. Nous ne sommes pas contre les camions, les transporteurs, mais nous estimons que il y a d'autres solutions pour pouvoir déplacer ce trafic dans un endroit qui ne soit pas aussi concentré d'une manière urbaine. Voilà donc les riverains et la municipalité qui espèrent une déviation par l'autoroute A29, comme c'était le cas lors de la fermeture du pont Mathilde, une décision qui appartient à la préfecture. Chaque jour, 40 000 véhicules, dont 4 000 poids lourds, empruntent le tunnel de la Grand Mare. Dans l'actualité également, trois membres de la famille Villemain sont toujours en garde à vue ce matin, entendus près de 33 ans après la mort du petit Grégory. Les interpellations ont lieu dans l'entourage du père de l'enfant, l'oncle, la tante et la belle-sœur respectivement arrêtées dans les Vosges. Les enquêteurs cherchent à éclaircir certains points. Un pas de géant sur le chemin de la vérité selon l'avocat des époux Villemain. L'incendie d'une tour HLM à Londres a fait au moins 12 morts, 78 personnes sont également hospitalisées, dont 18 dans un état grave. De l'aveu même du maire de Londres, le bilan risque de s'alourdir car les recherches dans l'immeuble ravagé vont se poursuivre et de nombreuses personnes sont portées disparues. Le foot pour terminer, on connaît le nom de la première recrue de Quevilly-Rouen Métropole, Jonathan Clauss, qui évolue actuellement au sein de l'équipe de l'US Avranches. Le joueur se joindra donc à sa nouvelle équipe pour la reprise des entraînements jeudi prochain. Et puis c'est officiel, plusieurs matchs de la prochaine Coupe du Monde féminine de football se joueront au Stade Océane au Havre en juin 2019. Très bonne journée à tous sur Chéri FM Rouen. Chéri FM, 6h, 9h, réveillez-vous avec Vincent Cerutti et Stéphanie Loire. C'est nous, bonjour, bon réveil, jeudi 15 juin, on pense bien à vous, on vous accompagne, on vous sort du lit, tout ça, tout ça. Aujourd'hui, c'est les 10 ans jour pour jour de la sortie de la victoire de Julien Doré à la Nouvelle Star. Oh déjà oh. Et le lac se dessine. Courage, c'est fort. Ou rien. Respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes. Amoureux de l'ombre et du pire, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent. Amoureux de l'ombre et du pire, je reviens très fort, surprendre la cime. Yeah. Mais sur les bords du lac. réveil, merci d'être là sur Chéri FM avec Caléo, Tiziano Ferro dans quelques instants. Et puis on le disait avec Stéphanie, aujourd'hui c'est le début du bac. Alors ça nous a replongé dans nos années lycée avec des cours qu'on aimait pas. Et en l'occurrence on parle de ceux qu'on aimait pas, c'est toujours plus sympa. Bah moi j'étais hyper angoissée par la physique. On vous a demandé vous quelles étaient les matières qui vous angoissaient, qui vous mettaient la boule au ventre. Il y a Benoît de Rouen qui nous a répondu sur la page Facebook, qui dit moi c'était les arts plastiques. Ah oui. J'avais aucun talent. Mon fils de 5 ans est déjà meilleur que moi. Mais moi j'adorais personnellement. Et je trouve ça. Je sais pas si aujourd'hui on enseigne encore les arts plastiques au lycée. Si, je pense. Parce que c'est important, tu vois, en France, on n'est pas trop là-dessus sur le développement, la créativité, tout ça. Et ça fait partie de la construction. C'est vachement bien. Moi, j'aime bien. Il y a Clara de Lille, elle dit bah, c'est la techno, elle, qu'elle aimait pas. Avec Charlie Robot, un an pour fabriquer un porte-clés lumineux moche. L'ennui, l'horreur. Elle aimait pas, elle était fâchée. J'adore. Moi, j'avais fabriqué un cadre en PVC où on faisait fondre le plastique et on le tournait. Ah, ouais. Du coup, t'imagines, ça donnait lieu à plein de formes. Voilà, bizarre, on s'amusait comme des foufous. Et puis c'était très sérieux, les profs de techno, ça bardait. Hein, fallait pas déconner. Hein. Moi je sais que. Moi j'aimais bien, j'avoue, c'était assez ludique. Alors vous nous avez appelé aussi au 3937. Alors c'est Adeline Carcassonne qui est là. Bonjour Adeline. Et bonjour Vincent, bonjour Stéphanie. Salut Adeline. Alors, bonjour. Ça va ce matin? Ouais, bien. J'ai tout le monde là, avec le réveil chéri. Bon. Très bonne c'est idée. C'est quoi la matière que vous détestiez à l'école? Alors Adeline, racontez-nous. Alors écoutez, moi franchement, indéniablement le sport. Alors j'étais la petite de ma classe, donc du coup tous les sports affilés, c'était une horreur, le basket, le volley, tout ça. J'arrivais juste à lever les bras, que je touchais même pas filé, quoi. Pas facile, hein. Et est-ce Aline, est-ce que comme moi, parce que moi en sport, ils voulaient jamais de moi les garçons, c'est-à-dire j'étais la dernière personne qu'on choisissait quand ils formaient les équipes, j'étais presque le handicap. Oui, j'ai vécu la même chose. Ah bah voilà, super, on les connaît ces moments de solitude. Mais cela dit, vous deviez vous faire porter parce que les grands vous attrapaient pas, non, à bout de bras. La courte échelle. Bah oui. Bon, on vous souhaite une bonne journée Adeline à Carcassonne, merci, d'accord. Merci, au revoir. Salut Adeline. Bisous, à bientôt donc Adeline. Et Tiziano Ferro arrive dans un instant. C'est Joe Cocker avec Jennifer Warnes. Allez, bon réveil, vous êtes sur Chéri, vous avez fait un très bon choix. Chéri FM, Pop Love Music. Who knows what tomorrow brings? In a world few hearts survive. All I know is the way I feel. When it's real, I keep. As long there are mountains in our way, but we climb a stair every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain. bon réveil, 6h41, c'est Chérie FM, on a les yeux tout ébouriffés, on se réveille en douceur avec Lidiano Ferro, Caléo dans quelques instants, puis la bienvenue au petit nouveau sur le Facebook du Réveil Chérie, on a plein de messages. Hein. Ouais, on a plein de messages, notamment celui de Christine qui est une maman angoissée parce que son fils Jocelyn passe les épreuves du bac cet après-midi. Donc évidemment, on pense à lui, on pense à elle, à tous ses parents qui sont encore plus angoissés que leurs enfants qui vont passer les examens. Et ne transmettez pas le stress aux petits, hein, s'il vous plaît, parce que c'est déjà assez dur. Hein. Mettez-vous à leur place, enfin. Non, mais en fait, c'est les lycéens qui passent le bac, mais les parents le passent avec eux aussi, hein, il faut le savoir. C'est fou, ça. Franchement, Caléo dans un instant. Maria Carré sur Chéri FM, c'est comme ça tous les jours, 6h-9h. C'est le Réveil Chéri. Le Réveil Chéri, Vincent, c'est... Salut, c'est Amir sur Chéri FM. Ça vous dit un duo avec moi ? Ah ouais, j'en rêve là. Rendez-vous maintenant sur chérifm.fr. Reprenez ma chanson au cœur de moi et dans quelques jours, on sélectionnera notre préféré dans le Réveil Chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Message Peugeot en forme de coup de foudre. Elle est garée en bas de chez vous. Une Peugeot 208. Ligne Féline, toit vitré panoramique, navigation 3D connectée avec trafic en temps réel et reconnaissance vocale. Parc assist avec caméra de recul, elle a tout pour vous séduire. Elle est irrésistible. Pendant les irrésistibles Peugeot, pour l'achat d'une 208, Peugeot reprend votre voiture 2700 € en plus de l'Argus. Portes ouvertes ce week-end. Offre valable jusqu'au 30 juin, détails sur PeugeotWebstore.com. Vous savez, aujourd'hui quand vous êtes architecte, vous devez être la plus rapide à répondre aux appels d'offres. Alors dans mon cabinet, c'est pareil. Mon accès internet doit être le plus rapide possible. Mes fichiers très lourds, j'ai besoin de les envoyer et de les télécharger comme ça. Moi ça me paraît normal, non ? Entrepreneur, avec la fibre dédiée de SFR Business, développez tout le potentiel de votre entreprise grâce au très haut débit garanti à 100 Mbps. Appelez le 1030 ou rendez-vous sur sfrbusiness.fr. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Sous réserve d'éligibilité à l'offre SFR Connect Fibre. Détails et conditions auprès de votre interlocuteur commercial. Carrefour. Comme j'avais envie de faire une surprise à ma femme, je suis allé chez Carrefour. Et là, j'ai vu que pour deux articles textiles achetés, le deuxième est 100% remboursé sur la carte Carrefour. Parfait ! J'ai acheté une super petite robe pour ma femme et un jean pour ma fille. Du coup, j'ai pu faire plaisir à tout le monde. Résultat des courses, double dose de bisous à la fin de la journée. Chez Carrefour, jusqu'au 27 juin, pour deux articles textiles achetés, le deuxième est 100% remboursé sur la carte Carrefour. Carrefour. Remboursement de l'article le moins cher, voire modalité magasin participant sur carrefour.fr. Ah, je me sens bien ce matin. Je sais pas ce qui pourrait me mettre plus en joie. Hé, monsieur, justement, chez Boulanger, on a une petite surprise pour vous. Découvrez les nouveaux Samsung Galaxy Book 10 ou 12 pouces, écran HD, clavier, avec S Pen et processeur Intel. À partir de 729 € et profitez d'une carte mémoire 256 Go et vos plus offertes. Boulanger, c'est 135 magasins près de chez vous et boulanger.com. 50 centimes d'éco-participation jusqu'au 31 juillet 2017. Conditions en magasin et sur boulanger.com. Salut, moi c'est Eugène. Eugène sans gêne. Et chez les sans gêne, eh ben on dit ce qu'on pense. Oui, on est gonflé. Comme les pneus. Tiens, par exemple, à Citroën, du 12 au 17 juin, ils font une opération porte ouverte, on achète un pneu et ils font 50% sur le deuxième. Pas top, ça ? Du coup, Eugène, bah, il s'est pas gêné. Et comme il dit ce qu'il pense, là, il a dit « Merci, Citroën ». Les services Citroën vous simplifient la vie. Offre particulière valable du 12 au 17 juin dans le réseau Citroën participant. C'est ici que vous démarrez le mieux votre journée. Le Réveil Chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Que de nous deux il ne reste qu'un secret. Je te demande, peux-tu me rendre la clé de ma raison de vivre que t'as emporté. Je n'ai que mon désir en guise d'amitié. Je n'ai que mon cœur d'homme pour pouvoir t'aimer. La douce folie, je ne peux l'apaiser. J'irai sans sombrer, analyser tes pensées. Même si je te fais mal, peux-tu me pardonner? Perdono. Se quel che fatto è fatto io te lo chiedo. Scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì. Rosa. Perché so come sono e fatti chiedo. Perdono. Su quel che è fatto io però chiedo. Scusa. Regala il mio sorriso, io ti porgo una rosa. Su questa amicizia nuova pace sì. Rosa. Perdono. Pas à pas, tu t'éloignes de moi. Mais tu m'as laissé ton ego. Pas à pas, tu marches vers notre bras. Pour me pardonner, donner s'il le faut. De toi à moi, une vie ne suffit pas. Pour l'amour à zéro défaut. Moi sans toi, je n'existerai pas. Quand tu m'as aimé tellement trop. Perdona, si qualche fatto è fatto, io però chiedo. Scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Che fatto è fatto, io però chiedo. Regala il mio sorriso, io ti porgo una. Su questa amicizia nuova pace sì. Perché so come sono, infatti chiedo. Écoutez Chérie FM à quasiment 7h10. Bienvenue, bonjour, merci d'être avec nous. Voici Mariah Carey, Caléo pour deux titres. Léo pour deux titres enchaînés, ça fait plaisir. On démarre cette journée du jeudi 15 juin ensemble. On pense aux lycéens, aux parents qui repassent le bac et on discute de tout ça ensemble. La boule au ventre. Et à faire très chaud aujourd'hui, bon courage. Oh, oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And where down we go, go. Le réveil chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Where are you going? soleil, de la douceur sur Chéri FM, ça fait du bien. Madonna, le Hypnoté dans un instant. Et juste après les infos de 7h, c'est promis, on jouera pour vous offrir jusqu'à 3000 euros cash. Il y en a qui commencent à stresser là, j'imagine. Ah ouais, c'est normal. Allez, ça y est, c'est parti, c'est officiel. Les épreuves de philo ce matin pour les bacheliers, le français pour ceux qui sont en première. Et puis bien sûr, on pense à tous les autres, hein, les bacs pro et compagnie. Mais moi, je me rappelle du jour où j'ai passé mon bac, mon épreuve d'histoire géo. D'ailleurs, je crois que l'histoire géo, c'est vendredi. Ouais. J'avais une envie de faire pipi terrible. Ah bah et ça... tu sais que quand tu passes ton examen, t'as pas le droit d'aller aux toilettes tout seul. Bah non, il faut être accompagné, escorté. Exactement. Ah. Donc j'ai été escortée et je me suis retrouvée dans le silence avec ce pion ou cette surveillante qui m'attendait dans le silence. Ah ouais, bah tu peux pas. Et j'étais bloquée et il me disait, mais mademoiselle, ouais, c'est bon. Et je n'y arrivais pas, je pouvais pas lui dire, mais sortez, ça me gêne. Ah ouais, non, c'était bloqué. Mais c'est, tiens, tu sais, les examens. Moi, j'ai. Alors, les examens, donc il y a le bac évidemment aujourd'hui, il y a le brevet, il y a tout ça. Et puis il y a des examens, n'importe lesquels en fait. Moi par exemple, quand j'ai passé le permis, ouais, j'ai des souvenirs. Je vais le dire maintenant, il y a prescription, mais j'avais triché au code. Oh, mais comment on peut tricher au code? Je vous le dirai après les infos de 7h, parce que ce serait pas mal qu'on se parle de nos souvenirs d'examen, mais tout confondu, tous les examens. D'accord. Ça peut même être une prise de sang. Examen médicaux, ça compte. Oui. Tu nous diras, ça m'intéresse de savoir. Ouais. Et je rappelle tout de même qu'on recommande pas du tout le fait de tricher un examen, parce que ça peut vous empêcher d'en passer pendant 5 ans. Oui. Ce serait dommage. Ah bah non, alors là on veut pas vous influencer, hein, parce que ça va encore être notre faute. Dans un instant Madonna, et puis racontez-nous vos souvenirs d'examen marquants au 3937 ou sur le Facebook du Réveil Chéri si vous le voulez bien, d'accord? Allez, bon réveil. C'est Chéri FM, bienvenue. Le Réveil Chéri, Vincent Cerruti. Vous êtes invité avec Chéri FM au concert de Céline Dion. Écoutez Chéri FM chaque jour avant 9h pour connaître le disque secret Chéri FM. Et à tout moment de la journée, dès sa première diffusion en intégralité sur Chéri FM, appelez le 3937. Pour que tu m'aimes encore. 50 centimes la minute. Et gagnez vos places pour applaudir Céline Dion à Paris. C'est une nouvelle chanson. Et à Lille. La toute première fois ce soir. Chéri FM, Pop Love Music. Mathilde Thomas, fondatrice de Caudalie, vous nous offrez un étonnant duo contre les taches. Oui, le sérum VinoPerfect et la nouvelle essence concentrée éclat. Deux gestes très efficaces contre les taches liées au soleil, à l'âge, au masque de grossesse, aux cicatrices d'acné. Deux formules complémentaires, issues de 10 ans de recherche sur les taches et de notre découverte de la viniférine. La viniférine, un actif breveté par Caudalie, issu de la sève de vigne. Les femmes s'en enduisaient le visage pour enlever les taches, avoir un teint lumineux. Les tests cliniques le prouvent, l'essence double l'efficacité du sérum. Sérum VinoPerfect et nouvelle essence concentrée éclat, la force d'un duo contre les taches. En pharmacie et parapharmacie. Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô patron, va bene? Ça va, oui. Ah bah désolé hein, mais chez Lidl tout va bien patron hein. Parce qu'en ce moment pour la semaine italienne, le Parmigiano Reggiano DOP est à 1,39€ les 100 grammes. Du Parmigiano Reggiano DOP à 1,39€. Oui, c'est le vrai prix patron hein. Et 14 mois d'affinage hein, pour ce parmesan en copeaux ou râpé. Bah pour nous aussi c'est râpé. Mais si on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 13,90€ le kilo. Produits transformés en Union Européenne, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Les ventes privées Conforama sont arrivées. Des ventes très privées. Avec votre carte Confo Plus, bénéficiez de remises allant jusqu'à moins 50% sur une sélection d'électroménagers, de literie, de déco. Le plus dur, c'est de choisir. Avec la carte Confo Plus, soyez avantagés toute l'année. Conforama, le confort pour tous. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, conditions sur Conforama.fr. Chérie, pose ton café. Pourquoi? Tu vois l'inimitable iPhone 7 avec ses sublimes photos et vidéos qu'on veut absolument partager. Ouais. J'ai une double bonne nouvelle. En ce moment, Bouygues Télécom double les gigas de ton forfait. Ça veut dire deux fois plus de partage, donc deux fois plus de plaisir? Oui, et en plus, Bouygues Télécom te le rembourse jusqu'à 220 euros. Génial! Oh, oups! Je t'avais prévenu, hein. Offre valable sur l'iPhone 7 32Go avec souscription à un forfait sensation 20Go et plus. Rendez-vous en boutique. Offre soumise à condition, conservant votre numéro et votre numéro et reprise de votre ancien mobile. Engagement 24 mois. Dans moins de 2 minutes sur Chéri FM, retour du Réveil Chéri de Vincent Cerruti. On fait un selfie avec pour mettre sur notre compte Instagram? Ok, si tu veux, tu cadres bien, hein. Hashtag plage, hashtag détente, hashtag cool, hashtag fun, hashtag 50% du temps de trajet en électrique, hashtag pas besoin de la brancher. Cet été, la star, ce n'est pas celle que vous croyez. C'est la nouvelle Toyota Yaris hybride made in France. Venez vite la découvrir lors des portes ouvertes ce week-end dans votre concession Toyota Toys Motors Rouen, avenue du Mont Riboudet à Rouen et avenue des Alliés à Petit-Quevilly. Envie d'un nouvel autoradio, d'un vélo mécanique ou électrique? Besoin d'une remorque ou d'un coffre de toit? Venez profiter des promotions du moment dans votre nouveau magasin Loto Leclerc à Bapaume-les-Rouen, en face de votre Hyper Leclerc, à côté de la station de lavage. Leclerc. Nouveau à Rouen. Ouverture d'une concession Exam, numéro 1 de la voiture sans permis, avec un grand choix de véhicules neufs, d'occasion et en location. Découvrez VSP Rouen, 12 boulevard de l'Ouest, à côté de Seine Nautique. Vivez les plus grands événements sur Rouen grâce à Chérie FM. Les plus beaux concerts, les plus beaux films. Je vole, Jack. Les plus belles sorties. Chérie FM Rouen vous fait partager les plus beaux événements avec Elbeuf sur scène, concerts, cirque contemporain, théâtre, rendez-vous sportifs, une ville à vivre et à visiter. Chérie FM. Chérie FM. Toutes les musiques qui vous relaxent. Chérie FM, Pop Love Music. Chérie FM, première radio musicale à Rouen, 97.5. Chérie FM, il est tout pile 7h, bonjour. Bon courage si vous allez bosser ou passer le bac aujourd'hui. On vous accompagne en musique avec Loïc Notet, Madonna dans un instant, et on parle des souvenirs d'examen marquants. Alors ça peut être n'importe quel examen, hein, parce qu'il se passe toujours des choses quand on fait des examens. Oui, c'est vrai, on est stressé, on a peur. Moi, c'était un problème de petit coin. Et comme tous les matins, l'essentiel de l'actu sur Chérie FM Rouen, c'est avec Natacha Botegal. Bonjour Natacha, et on commence par la météo. Bonjour Vincent, bonjour à tous. Chaleur et soleil sont de nouveau au programme de votre journée sur la métropole rouennaise, avec quand même quelques nuages et un peu de vent prévu cet après-midi. Il fait 15 degrés à Rouen et Darnétal. On attend jusqu'à 25 degrés cet après-midi à Cléon et Petit-Couronne. C'était la météo sur Chérie FM avec Pérenne, votre agenceur de cuisine à Barentin depuis plus de 20 ans. Retrouvez-nous sur pérenne.fr. Coup d'envoi aujourd'hui des épreuves du baccalauréat. 20 600 candidats de l'Académie de Rouen, âgés de 16 à 60 ans, vont débuter les écrits dès 8h. Et traditionnellement, c'est la philosophie qui ouvre le bal pour les filières générales et technologiques. C'est le français pour les candidats professionnels. Les élèves de CM1, CM2 de l'école Pouchet de Rouen, eux, vont mettre en pratique leur cours de sécurité routière. Cet après-midi, ils vont verbaliser les piétons qui traversent dangereusement la chaussée. Cette opération symbolique carton jaune aura lieu à partir de 14h30 à l'intersection de la rue du Général Giraud et de la rue Jeanne d'Arc. Stop à la déviation du tunnel de la Grand-Mare. C'était l'objet du rassemblement organisé hier soir sur le parking du cimetière de Biorel. À l'appel du maire, il demande à la préfecture une déviation par l'autoroute A29, comme c'était le cas lors de la fermeture du pont Mathilde, et non par Darnétal ou Biorel. Dès que le tunnel ferme à cause des travaux ou d'un trafic trop dense, ce sont les habitants du plateau des Provinces qui sont les plus touchés par les nuisances. C'est des nuisances insupportables, les camions de tout pays qui klaxonnent et qui sont au pied de nos immeubles. Et ça, ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Lundi, c'est dans les deux sens, donc 3h du matin, moi je dormais pas. On a du double vitrage pourtant. Hein. Ça devient intenable pour la pollution et pour le bruit des camions à 4h du matin. Moi, je me lève tous les jours à 5h, à 3h, je suis réveillée tous les jours. On n'arrive pas à entendre la télé, on n'arrive pas à dormir les fenêtres ouvertes. Ça commence à bien faire. Et chaque jour, 40 000 véhicules, dont 4 000 poids lourds, empruntent le tunnel de la Grand-Mare. Dans l'actualité également ce matin, ce rebondissement près de 33 ans après la disparition et la mort du petit Grégory Villemain. L'oncle, la tante, le couple Jacob et la belle-sœur du père de l'enfant ont été simultanément interpellés hier matin dans les Vosges pour éclaircir certaines zones d'ombre. Les Jacob avaient été un temps soupçonnés d'être le corbeau désigné par des expertises graphologique qui aurait conduit à ces nouvelles arrestations. J-3 avant le second tour de l'élection législative, près de 6 Français sur 10 souhaitent que les résultats du premier tour soient rectifiés dimanche pour ne pas donner une majorité trop importante à La République En Marche. Résultat d'un sondage Elab pour BFM TV. Enfin, les efforts du Havre ont fini par payer. Le stade Océane accueillera plusieurs matchs de la prochaine Coupe du Monde féminine de football en juin 2019. Très bonne journée à tous sur Chéri FM Rouen. Tous les matins, Vincent Serrutier, Stéphanie Loire, c'est votre réveil chéri. Et ce matin, on va vous gâter. En plus du jeu de l'anniversaire, dans un instant, on va vous offrir des places pour les concerts de Police et de Céline Dion. Ça, c'est la bonne nouvelle du jour. Allez, bon courage, bon réveil, c'est jeudi. Voici Madonna sur Chéri FM. C'est Chéri FM 7h06 avec Ginny Lynn. Dans un instant, il y aura aussi Loïc Notet et le jeu de l'anniversaire. Stéphanie, jusqu'à 3000 euros cash à gagner comme tous les jours. Ouais, ça met de bonne humeur le matin. On discute aussi beaucoup dans cette émission. On pense à, bien sûr, à tous les bacheliers. Les examens démarrent aujourd'hui. Et puis alors avec Vincent, on discutait tout à l'heure et on se rappelait nos pires souvenirs d'examen. Ah oui. Les souvenirs qui nous ont marqués. Il y en a un paquet, hein, franchement. Alors là, je vous ai dit que je vous raconterais. Donc je vais vous raconter, pas tout de suite parce que c'est trop facile, mais il m'en est arrivé une belle quand j'ai passé mon code. Pas tout de suite, tout à l'heure. Alors là, vraiment, parce qu'on a eu un message, je crois, de Rémi d'Aix-en-Provence. Exactement, qui nous a écrit sur la page Facebook et qui nous dit moi j'avais ma convocation, ma carte d'identité, j'avais tout sur moi sauf ma trousse. Ah, c'est ballot. J'avais rien pour écrire, j'ai fait tout mon examen avec un bic tout pourri prêté par mon voisin. Ah oui. Il marchait une fois sur deux. Ah, alors moi j'avoue, je faisais partie de ceux qui oubliaient toujours leur matériel à l'école et ça gonflait toujours mes voisins. Ah bah ça, ils sont pas contents, non? Ils ont la tête rentrée dans les épaules. T'as qu'à avoir ton matériel. T'as pas une feuille double, s'il te plaît? Non, je veux finir la semaine avec mon paquet. Allez, on part à La Rochelle. Bonjour Virginie, bienvenue et merci de nous avoir appelé au 3937. Bonjour Vincent, bonjour Stéphanie. Salut Virginie. Alors les souvenirs d'examen marquants, vous c'était sur la route de l'examen, qu'est-ce qui s'est passé? Ben moi je suis tombée en panne. Aïe, mince. Ben oui, toute seule. Donc du coup, j'ai quand même appelé le dépanneur qui m'annonçait un délai d'intervention d'1 heure. Mmh. Je dis c'est pas possible. Mmh. Et j'ai un agriculteur qui s'est arrêté et en fait, eh ben, il m'a emmené à mon examen en tracteur. Ah, c'est génial, sympa, c'était ça, super c'est mal. C'est ça. Et votre histoire, Virginie, je pense qu'elle va angoisser tous les parents qui nous écoutent et qui doivent dire à leurs enfants on va y aller maintenant, on va prévoir 3 heures de battement sur le trajet. Eh, c'est drôle, cela dit, d'arriver au bahut en tracteur, dis donc, vous avez dû vous faire remarquer. Hein. Oh, je vous jure. C'est sûr. Ah, l'histoire, j'aurais adoré faire ça, moi. Merci Virginie de nous avoir partagé, faire partager ce moment. Ouais. Fais partager. Bah, très bien, là, merci beaucoup, bonne journée. Salut Virginie, trop sympa. Ah ouais, c'est marrant, en tracteur, t'arrives au lycée en tracteur, c'est drôle. Bah c'est frais, faut avoir le temps quoi, faut pas être trop pressé. Hein. Allez, bisous Virginie. Tout de suite, c'est Loïc Nothès sur Chéri FM, Pop Love Music. Away, get away, you're such a freak. It's what people say to different. I'm scared of judgment. Your insults and your slander stick on to me. Yes, with your Love Music, bonjour, avec Ginny Lynn, George Michael et Marina qui, dans un instant, fera un nouveau point météo, même si globalement, il n'y a pas grand chose à dire, il fait super beau. Bah hein, voilà, habillez-vous léger, prenez des lunettes de soleil et de la crème si vous avez prévu de déjeuner en plein en terrasse. Et buvez de la flotte, hein, ça c'est vachement important, attendez pas d'avoir soif, je vous le dis tous les jours. Si on jouait. Allez, on y va. Nous on joue. Chéri FM. L'anniversaire chéri. Tous les matins, tirage au sort d'une date d'anniversaire. Je vais la tirer au sort, c'est parti. Si c'est la vôtre, vous nous appelez au 3937. On joue ce matin avec celles et ceux nés un 4 septembre. Allez, si vous êtes né un 4 septembre, vous nous appelez. Le numéro, c'est le 3937, jusqu'à 3000 euros cash à gagner. Et Marina qui arrive dans un instant avec George Michael et Ginny Lynn dans Le Réveil Chéri sur Chéri FM. Le Réveil Chéri, Vincent, Chéri FM. La plus variée. C'est juste une petite chanson, Chéri FM, Pop Love Music. Olivier Paris, pharmacien conseil Caudalie, nous parle de notre jolie peau sous le soleil. Le soleil peut entraîner l'apparition de taches qui, contrairement au bronzage, ne partent pas. Heureusement, il y a le sérum Vino Perfect de Caudalie, dont l'efficacité sur tous les types de taches est reconnue par des dermatologues. Appliquez-le sous votre crème solaire, vous aurez un bronzage lumineux, durable et sans taches. En ce moment, pour l'achat d'un sérum VinoPerfect, numéro 1 des antitaches en pharmacie, un soin solaire visage IP50 offert. En pharmacie et parapharmacie participante, dans la limite des stocks disponibles. Mais l'escalope, c'est le mois des toquets du frais chez Netto. Mes femmes vont pas tarder. Bah alors, on passe plus les portes, mon poulet. Mais t'es complètement à l'ouest, regarde-nous. Filet de poulet blanc ou jaune origine France, nous sommes à 5,49€ le kilo, aujourd'hui et demain. À ce prix-là, ils vont se prendre le bec pour toi. Netto, le discounter qui fait la différence. 1,5 kg environ. Bonjour. Bonjour monsieur. Je cherche une belle berline avec un grand coffre. Voici Fiat Tipo à 11,990€. Elle a la clim ? Oui, 11,990€ avec la clim. Et elle est garantie ? Oui, 3 ans et toujours 11,990€. Elle a combien de kilomètres ? Elle est neuve monsieur. Fiat Tipo à partir de 11,990€ sans condition. Il y a moins bien, mais c'est plus cher. Et pendant les portes ouvertes, découvrez aussi le nouveau break Tipo Station Wagon. Ouverture ce dimanche dans le réseau participant. Fiat. Offre à particulier jusqu'au 30 juin pour Fiat Tipo 5 porte 1 litre 4,95 chevaux. Détails sur fiat.fr. 6h-9h, le réveil chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Bienvenue sur Chéri FM. Bon réveil, jeudi 15 juin, il est 7h13. Tout de suite, on fait la météo près de chez vous, c'est le point soleil. Bonjour, et votre météo donc sur la métropole rouennaise avec en effet du soleil prévu toute la journée avec un beau ciel bleu ce matin, quelques nuages cet après-midi, un peu de vent également qui va souffler en rafale jusqu'à 45 km/h. Il va faire chaud jusqu'à 25 degrés attendus à Val-de-Reuil et au Ménilénard. Il fait déjà 17 degrés ce matin à Malonnet, Monville et Rouen. Quel temps pour le reste de la semaine ? Demain vendredi, il fera entre 11 et 23 degrés avec de belles éclaircies le matin, un beau ciel bleu, du soleil l'après-midi. Samedi ensuite, c'est une journée ensoleillée qui vous attend. Il fera entre 11 et 26 degrés. Voilà pour la météo. Très bon début de journée sur Chéri FM Rouen. Allez, sur Chéri FM, toujours plus de musique le matin avant Marina Kaye dans un instant. On poursuit avec George Michael et Jenny Lynn. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Si vous avez prévu de faire un petit concert dans votre voiture, c'est le moment, même tout seul. Bon réveil sur Chéri FM, Pop Love Music. Choisir entre une espérance et un impie. 6h, 9h, le réveil chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Mais alors moi je pensais qu'il allait continuer. Ah bah voilà, bizarre. Ah oui, je le connais le morceau quand même, il y a des fois je me demandais quand même. Marina qui arrive dans un instant sur Chérie FM, bonjour, bon réveil, il est 7h20, si on jouait nous. Bah oui, c'est le moment, c'est jeudi, hein. C'est pas parce que vous passez le bac qu'on oublie de jouer ici. Alors on y va, nous on joue. Chérie FM, l'anniversaire chérie. Il y a à peine 10 minutes de cela, j'ai tiré au sort votre date d'anniversaire. Peut-être c'était le 4 septembre et il fallait nous appeler au 39-37, bien sûr. Ouais, bah là, on va savoir tout de suite qui a été la personne la plus efficace au 39-37 et qui est tombée sur le standard sur Margot en premier. Alors, on vérifie ensemble et on accueille Amélie à côté d'Arras. Bonjour Amélie. Ah, bonjour. Salut Amélie. Ça, ouais, va, ça va, bravo. Bonjour Vincent, bonjour Stéphanie. Eh ben oui, je suis née le 4 septembre. Eh ben ça, déjà félicitations à vos parents, parce que c'est eux qui ont provoqué ça, mais félicitations à vous d'avoir été la plus rapide. Merci. Alors, vous êtes formatrice, mais formatrice de quoi? Bah, je forme des banquiers et des courtiers dans toute la France. Ah, vous avez eu le petit Macron? Je ne l'ai pas formé, non, lui il aurait pu me former, je pense. Monsieur le Président, pardon si vous nous écoutez, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'était de l'humour. Hein. Bon, Amélie, écoutez bien les cadeaux du jour. Parmi les cadeaux, il y a un week-end pour partir à deux en France, c'est vous qui choisirez où, Amélie. Il y a une enceinte Bluetooth et jusqu'à 3000 euros cash pour vous faire plaisir. Alors, il faut en choisir un des trois. Quel paquet de cadeaux choisissez-vous, Amélie? Le 1, le 2 ou le 3? Le 3. Alors. Cadeau numéro 3. Alors on vérifie, Amélie, attention. Ah bah c'est. Eh, dis donc, vous avez un amoureux ou pas? Oui, j'ai un amoureux. Elle est paxée avec Johan. Ah bah voilà, ouais. Et bah vous savez quoi, avec Johan, vous allez mettre Tom un an et demi en garde parce que vous avez gagné un week-end romantique où vous voulez en France, bravo. Ah, oh, c'est super, je suis trop content. Ah, c'est cool, vous allez pouvoir faire plaisir tous les deux tête à tête, ça fait du bien aussi. Bah, oui, petit, hein, donc ce sera le moyen de s'isoler et puis de rester en amoureux. Oui. Alors, Amélie, ne nous en dites pas trop, oui. On ne veut pas savoir, ça ne nous regarde plus. Ouais, parce que je croyais que vous alliez dire ce sera le meilleur moyen de lancer le deuxième, dis donc. Une chose choses à la fois. Hein. Oui. Bah déjà, faites-vous plaisir. Retrouvez-vous tous les deux en tête à tête. On vous embrasse très très fort. Bonne journée. Merci à tous les deux. Bonne journée. Continuez comme ça. Merci Salut, beaucoup. Amélie. C'est gentil. Bisous. Merci Amélie d'avoir choisi Chéri FM. Voici Marina qui est bon réveil. In this house where I grew up, with closed chairs and broken cups, memories piled up to the ceiling. Can they tell? Bonjour, bon réveil, bienvenue sur Chéri FM. Il y a Ed Sheeran et les Fugees, Stéphanie qui arrive dans un instant, tiens. Bah la musique ça roule, hein, tout se passe bien. Et puis il y a autre chose qui se passe bien en général, c'est ça s'appelle le C. Vincent qui l'a dit. C'est toi qui nous prépare des petites infos à digérer toute la journée. Qu'est-ce que t'as, hein? Alors j'ai trouvé le bachelier le plus jeune et le plus âgé notamment. On parlera de bière, il n'y a pas de rapport, c'est sûr. Mais des petites infos que vous pourrez partager vers 10h à la machine à café si vous le souhaitez. C'est comme ça tous les matins vers 7h35 dans le C. Vincent qui l'a dit. Voilà, bah ça on en saura plus tout à l'heure, mais ne comprenez pas qu'il faut boire de la bière avant d'aller passer votre bac, hein, c'est pas du tout le message. Non, non, surtout pas, et en plus ça démarre dans 35 minutes, alors arrêtez, vraiment. Ed Sheeran arrive et les Fugees se préparent juste après les infos. Le réveil chéri, Vincent Cerutti. Lidl, enseigne alimentaire préférée des Français. Allô patron, va béné? Ça va, oui. Ah bah, désolé, hein. Mais chez Lidl, tout va bien, patron, hein. Parce qu'en ce moment, pour la semaine italienne, le Parmigiano Reggiano DOP est à 1,39€ les 100 grammes. Du Parmigiano Reggiano DOP à 1,39€? Oui, c'est le vrai prix, patron, hein. Et 14 mois d'affinage, hein, pour ce parmesan en copeaux ou râpé. Bah, pour nous aussi, c'est râpé. Ah bah oui, je sais, on est mal. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 13,90€ le kilo, produit transformé en Union Européenne, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, évitez de grignoter. Clarins vous écoute. J'ai tout juste 30 ans. Moi, bientôt 40. Et moi, 50. Depuis un an. À chaque âge, votre peau a des besoins différents. Elle évolue, comme vous. Alors Clarins a développé des soins anti-âge ultra ciblés. Parce que profiter du temps qui passe, c'est mieux que de s'en soucier, non? Du 1er au 30 juin, pour tout achat d'une de ces crèmes anti-âge, Clarins vous offre un de ses 3 boosters pour compléter l'efficacité de vos soins Clarins. Clarins, vous avant tout. Voir conditions et gammes anti-âge concernées en parfumerie, grand magasin agréé, Clarins participant et sur clarins.fr. C'est quoi une bonne fête des pères pour Darty? Une bonne fête des pères, c'est un papa mélomane découvrant son cadeau, décontracté des oreilles. Pendant les beaux jours Darty, profitez du casque Marshall Major de Black à 59€ au lieu de 99€, soit 40% d'économie. Offre valable en en magasin et sur darty.com. Babou, babou. T'as vu toutes ces étiquettes de couleurs chez Babou? C'est 2 égale 3 chez Babou. 2 égale 3? J'achète une robe femme, un rideau, un t-shirt homme ou enfant, avec une étiquette de couleur, et le troisième est gratuit. Gratuit? Mais c'est fou! Babou, babou. Choisissez 3 étiquettes de couleurs, quel que soit le rayon, Babou vous offre le moins cher des 3 articles. Voir modalité en magasin, offre valable dans tous les magasins sauf Perpignan et Belfort. Sephora. C'est la fête des pères chez Sephora. Découvrez notre sélection de parfums et coffrets pour hommes. Parce que les papas aussi méritent d'être gâtés. Et jusqu'au 18 juin, pour chaque flacon vide rapporté, Sephora vous offre 25% de remise sur leurs parfums préférés. Profitez-en vite. Voir conditions en magasin. Sephora, au cœur de la beauté. Je pensais à quelque chose. Ah ouais, c'est quoi? Si c'est les jours, c'est maintenant chez Citroën. C'est maintenant, c'est pas après. Du coup, maintenant, c'est déjà passé. Mais on peut pas passer à côté de 5000 euros de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C4 équipé d'un toit vitré panoramique. C'est pour ça qu'il faut y aller maintenant et pas après. Tu es dépassé. Pendant les jours, c'est maintenant chez Citroën. Bénéficiez de 5000 euros de reprise en plus de l'Argus sur Citroën C4. C'est maintenant, c'est pas après. Portes ouvertes ce week-end selon autorisation. Citroën. Équipement selon version, offre valable jusqu'au 30 juin. Détails sur citroën.fr. Oh, quel bonheur de boire un thé glacé en terrasse. Rester au soleil, voir le temps passer. Et foncez faire les boutiques! Écartez-vous, écartez-vous, je les ai vues la première. Cet été, avec Chris, choisissez les lunettes de soleil qui vont de pair avec vos envies. Branchées ou excentriques, jusqu'au 4 juillet, pour tout achat d'une paire de solaires d'un montant minimum de 60 euros, Chris vous offre la deuxième. Et cette année encore, Chris, opticien officiel du Tour de France. Chris, vous allez vous aimer. Valable dans les magasins Chris sur une sélection de montures, non cumulable avec toute autre promotion en cours, voire conditions en magasin. Dans moins d'une heure sur Chéri FM, gagnez jusqu'à 3000 euros cash dans le Réveil Chéri de Vincent Cerutti. Pour se lever du bon pied, trouvez la bonne occasion chez Somato. Votre véhicule d'occasion est à prix anniversaire jusqu'au 30 juin. Somato, à Notre-Dame-de-Bondeville. Vous savez, la plomberie et moi, on n'est pas très copines. Heureusement, il y a JV. Bah oui, pour la plomberie, le chauffage, c'est JV Service. D'ailleurs, JV, j'appelle 02 32 59 73 20, JV Service. Réducavenue.com. La planète coupon. Alors voilà le plan. Tu rentres dans la banque et là tu dis... Donnez-moi la caisse. Ben non, tu dis juste donnez-moi 139 euros. Ils sont sur ton compte et là tu t'offres la nouvelle Nissan Micra. Pour son lancement, la nouvelle Nissan Micra est à partir de 139 euros par mois, sans apport, sans condition. Nouvelle Nissan Micra, complice de toutes vos audaces. Et fabriquée en France. Pour une Nissan Micra Visia 1,73 litre, LLD 48 loyers, c'est accordial jusqu'au 30 juin. Détails sur Nissan.fr. Nissan, innover autrement. Portes ouvertes ce week-end chez Nissan Rouen Groupe Guedet, 3 rue Jean Angot. Chéri FM, première radio musicale à Rouen, 97.5. Merci infiniment d'avoir choisi Chéri FM, il est 7h30. Allez, bon courage si vous allez bosser. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter le matin, merci de votre fidélité avec les Fujis, Ed Sheeran dans un instant et pas que. Bah oui, des petites infos, ce sera dans le C-Vincent qui l'a dit, on pense à vous, ceux qui passent des examens, bon courage, Forza. Ah oui, on pense à vous, c'est sûr. L'essentiel de l'actu sur Chéri FM à Rouen, c'est avec Natacha Bottega. Bonjour Natacha. Bonjour Vincent, bonjour à tous. La météo tout d'abord avec du soleil, un beau ciel bleu ce matin. Quelques nuages et un peu de vent cet après-midi. Il fait déjà 17 degrés à Maromé et Barentin. On attend jusqu'à 25 degrés cet après-midi à Belbeuf et Rouen. C'était la météo sur Chéri FM avec Pérenne, votre agenceur de cuisine à Barentin depuis plus de 20 ans. Retrouvez-nous sur Pérenne.fr. Ils sont 20 600 élèves de terminale à passer les épreuves du baccalauréat dès ce matin dans l'Académie de Rouen, dont la moitié en filière technologique et professionnelle. Le candidat le plus jeune est âgé cette année de 16 ans, le plus âgé de 60 ans. On passe à la circulation avec le tunnel de la Grand-Mare qui voit passer chaque jour 40 000 véhicules. En ce moment, pour cause de travaux, il ferme la nuit de 20h à 6h. Et parfois, le matin, quand le trafic est trop dense, il faut alors passer par Darnétal ou Biorel ou patienter, comme le fait Pascal qui emprunte ce tunnel depuis 9 ans pour aller travailler. Avant, ça arrivait de temps en temps. Aujourd'hui, c'est systématiquement, c'est tous les jours. Hein. Donc, c'est la hantise en fait, de partir au bureau. Il m'arrivait parfois de suivre la déviation, donc la S2. Mais comme on nous conseille la S2, tout le monde prend la S2 et c'est embouteillage à Darnétal. Donc aujourd'hui, je reste plantée sur la A28 sans bouger. Il m'arrive parfois d'être bloquée pendant 15 minutes, 20 minutes. Donc j'éteins le moteur et puis je consulte mes mails, j'envoie des SMS et j'attends que ça se passe. Mais c'est pénible.

shape of you. Chérie FM, Pop Love Music, bonjour, 7h36, aujourd'hui c'est jeudi, c'est le 15 juin, ça devait arriver et dans moins d'une demi-heure maintenant c'est le début du bac, on croise les doigts pour vous. Ouais, bon, on pense fort à vous et puis bon bah même si croiser les doigts ça vous fera pas avoir votre bac, on y pense quand même. Bah bien sûr, et puis on vous encourage, on veut de bonnes ondes, tout, enfin voilà, que ça se passe bien quoi. Et on va parler du bac là tout de suite. Allons-y alors. Chérie FM, c'est Vincent qui l'a dit. Avec des faits incroyables, des chiffres, des infos dont on ne peut pas forcément se douter mais qui ont été vérifiés. Le plus jeune candidat au bac cette année a 13 ans et le plus âgé a 74 ans. C'est beau, hein? Ouais, c'est beau. Chaque année, il y a des très jeunes qui ont des cerveaux qui fonctionnent très vite, prématurément. Et puis moi, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que finalement, quel que soit l'âge dans ta vie, tu peux te remettre aux études. Tout est possible quand t'as envie, quoi. Et après les études et après le bac, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les vacances. Et un Français sur deux rêve d'avoir entre 10 et 15 semaines de vacances par an. Ce serait pas mal. Ouais, ce serait bien ça, oui, c'est sûr. 76% des Français boivent de la bière, faut le savoir aussi ça. Oui, et parmi ces 76%, 80% de la consommation française est attribuée à Jimmy, notre producteur. Ah oui, c'est pas le dernier. Hein. Un Français sur trois en boit au moins une fois par semaine. Alors ce qui se passe avec Jimmy, c'est qu'il a arrêté de boire tous les jours, maintenant il boit que le week-end. Oui, mais du coup le week-end, il boit des jerrycans. Je compense. Bon, rappelons que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. En Chine, les immeubles n'ont pas de quatrième étage. Bon. Oui, ça, je l'avais entendu. C'est une histoire de superstition, c'est voilà, ça? Exactement. C'est parce qu'en fait, le chiffre 4 porte malheur, car son nom ressemble au mot mort quand il est prononcé en chinois. Faut écoute, le savoir. Je ne juge pas. Moi, de toute façon, je fais des détours pour pas passer sous les échelles. Donc. Alors, bah oui, à partir de là, on peut comprendre, évidemment. Singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. And so I came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Bonjour, bon réveil, 7h41. On va continuer en musique avec Louane dans un instant. Il y aura aussi Rihanna. Moi j'adore Rihanna, je suis content. Hein. On est ravis de la recevoir sur Chérie FM, bien sûr, pas en vrai, mais elle va chanter et ce sera très très bien. Moi j'ai une info qui concerne une directrice de collège aux États-Unis. Ah bon? Et ça va tous résonner chez nous en ce jour de début d'épreuve de bac. Ah. Elle, elle a une super idée très originale pour couper ses élèves, ses lycéens, de leur portable pendant les vacances d'été. Elle alors, dit, elle fait quoi alors? Ils sont toujours dessus, il y en a marre, faut qu'ils profitent. Elle leur a, en fait, en gros, si ils laissent leur ordinateur, leur smartphone, leur tablette, enfin tout ce qui fait partie des écrans connectés, chaque mardi, toute la journée, au collège pendant leurs vacances, et bien à la rentrée, ils auront droit à 100 dollars. Ah, c'est sympa! Bah écoute, oui, forcément, c'est vieux comme le monde, hein, c'est l'histoire de la carotte. Mais souvent ça fonctionne et puis il a pas de l'argent. En effet, c'est un bon argument. Ah, c'est bien. La vérification sera faite par deux majeurs proches de l'élève, donc des parents ou autres. Et c'est la directrice en personne qui va sortir l'argent de sa poche. Ah, en plus. Imagine. Oh, bah dis donc, elle a du pognon la directrice. Et du coup, il y en a 180 élèves dans ce collège qui ont décidé de tenter leur chance. Ça fait quand même 18 000 dollars à sortir de sa poche. C'est, c'est beaucoup. Hein. Ah, moi, je vais le faire aussi. Pas donner 18 000 dollars, mais je vais tous les mardis, je vais tout laisser au boulot. Comme ça, je vais être tranquille. Allez hop, c'est bon. Dans un instant. Alors Louane d'ailleurs, elle va jouer dans Nos Patriotes, le film dont elle a le premier rôle, hein, après la famille Bélier. Le film est sorti hier, c'est un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Louane arrive dans un instant, moins d'une minute sur Chérie FM. Allez, merci de nous avoir choisis. Bon réveil avec nous. Le réveil chérie, Vincent, c'est le dire. Elle est sexy. I love you. Et vous adorez l'écouter sur Chérie FM. Hi, this is Katy Perry on Cherry Pop Love Music. Ce week-end, Katy Perry vous donne rendez-vous. Listen to me, Aunt Cherry. De 9h à midi. Weekend, Katy Perry se confie. That is all we need. Et toute la journée sur Chéri FM, gagnez son nouvel album. Katy Perry, son week-end spécial, c'est sur Chéri FM. Pop Love Music. C'est la fête des pères chez Sephora. Découvrez notre sélection de parfums et coffrets pour hommes. Parce que les papas aussi méritent d'être gâtés. Et jusqu'au 18 juin, pour chaque flacon vide rapporté, Sephora vous offre 25% de remise sur leurs parfums préférés. Profitez-en vite. Voir conditions en magasin. Sephora, au cœur de la beauté. Non mais maman, c'est une blague. Comprends-moi ma chérie, ce sont les offres immédiates Opel en ce moment. Avec des offres exceptionnelles chez les concessionnaires. Mais c'est quand même mon mariage. Mais les offres immédiates Opel non plus ne sont pas tous les jours. Quelle idée de se marier le jour où je peux bénéficier d'une reprise Argus plus 4300 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Tu veux faire de la peine à ta pauvre mère, c'est ça? Pendant les offres immédiates Opel, bénéficiez d'une reprise Argus plus 4300 euros pour l'achat d'une Opel Corsa. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 juin selon autorisation. Les ventes privées Conforama sont arrivées. Des ventes très privées. Avec votre carte Confo Plus, bénéficiez de remises allant jusqu'à moins 50% sur une sélection d'électroménagers, de literie, de déco. Le plus dur, c'est de choisir. Avec la carte Confo Plus, soyez avantagés toute l'année. Conforama, le confort pour tous. Adhésion à la carte Confo Plus en magasin, conditions sur Conforama.fr. Babou, babou. T'as vu toutes ces étiquettes de couleurs chez Babou? C'est 2 égale 3 chez Babou. 2 égale 3? J'achète une robe femme, un rideau, un t-shirt homme ou enfant, avec une étiquette de couleur, et le troisième est gratuit. Gratuit? C'est fou! Babou, babou! Choisissez trois étiquettes de couleur, quel que soit le rayon. Babou vous offre le moins cher des trois articles. Voir modalité en magasin. Offre valable dans tous les magasins sauf Perpignan et Belfort. On dit que Joe a trouvé de l'or plus bas dans la vallée. Non, on dit surtout qu'il a trouvé un crédit à 0% chez Ford. Ça va être la ruée vers l'offre. Tu l'as dit. Pendant les portes ouvertes du 17 et 18 juin chez Ford, profitez d'un crédit exceptionnel à 0% sur la gamme. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés et 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total dû 10 000 euros. Si acceptation par Ford Crédit, offre valable jusqu'au 20 juin selon stock disponible, voire Ford.fr. Vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes dans le secteur médical, vous avez des centaines de patients et il faut toujours être disponible pour eux. Alors pour mon accès à Internet, c'est pareil. Il faut que quelqu'un soit disponible pour moi en cas d'imprévu. Pas question de rester bloqué. Moi, ça me paraît normal, non ? Entrepreneur, avec la fibre dédiée de SFR Business, développez tout le potentiel de votre entreprise grâce à la garantie de rétablissement du service en moins de 4 heures. Appelez le 1030 ou rendez-vous sur sfrbusiness.fr. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Sous réserve d'éligibilité à l'offre SFR Connect Fibre. Détails et conditions auprès de votre interlocuteur commercial. 6h, 9h, réveillez-vous de meilleure humeur. Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. J'espère que tu vas se cherche mon chemin. Je ne le trouve plus, il me paraît bien loin. Je t'ai oublié, tu ne me fais plus rien. Et je pars voyager en pensant à demain. Tu m'as laissé hier la fin de la saison. Chérie FM, Pop Love Music, bienvenue, bonjour, Rihanna, Police. Maintenant pour deux titres enchaînés, top départ, c'est le moment d'appeler. Exactement, 3937 c'est le numéro. Si vous voulez assister au concert de Sting, ce sera à Lille le 25 juin prochain. Et les places sont à gagner sur l'antenne de Chérie. On croise les doigts pour vous, Margot vous attend au standard avec son plus beau sourire sur Chérie FM. Avec Stéphanie Loire, le réveil chéri. Pop Love Music. Take a breath, take a deep. Calm yourself, he says to me. If you play, you play for keeps. Take the

C'est des nuisances insupportables, les camions de tout pays qui klaxonnent et qui sont au pied de nos immeubles. Et ça, ça fait des semaines et des semaines que ça dure. Lundi, c'est dans les deux sens, donc 3h du matin, moi je dormais pas. On a de double vitrage pourtant. Hein. Ça devient intenable pour la pollution et pour le bruit des camions à 4h du matin. Moi, je me lève tous les jours à 5h. À 3h, je suis réveillée tous les jours. On n'arrive pas à entendre la télé, on n'arrive pas à dormir les fenêtres ouvertes. Ça commence à bien faire. Et chaque jour, 40 000 véhicules, dont 4 000 poids lourds, empruntent le tunnel de la Grand-Mare. Dans l'actualité également, ce rebondissement près de 33 ans après la disparition et la mort du petit Grégory Villemain. L'oncle, la tante et la belle-sœur du père de l'enfant ont été simultanément interpellés hier matin dans les Vosges pour éclaircir certaines zones d'ombre. En Haute-Loire, la personne disparue après l'orage de mardi soir a été retrouvée morte. Il s'agissait d'un agriculteur de 27 ans. Son tracteur a été emporté par les eaux alors qu'il portait secours à une personne sinistrée. J-3 avant le second tour des élections législatives, près de 6 Français sur 10 souhaitent que les résultats du premier tour soient rectifiés dimanche pour ne pas donner une majorité trop importante à La République En Marche. Résultat d'un sondage Elab pour BFM TV. Enfin, les efforts du Havre ont fini par payer. Le stade Océane accueillera plusieurs matchs de la prochaine Coupe du Monde féminine de football en juin 2019. Très bonne journée sur Chéri FM Rouen. Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Le réveil chéri. C'est nous, il est 8h04. Bonjour, bon réveil. Voici les frérots de la Vega. On parle de vos souvenirs d'examen. Aujourd'hui, c'est le moment dans moins de 5 minutes. Enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne, hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pila. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent, et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. J'aime ça, moi, la musique. Bienvenue sur Chéri FM, Pop Love Music, avec à 8h06, Michael Jackson qui arrive et on va jouer au jeu de l'anniversaire. Stéphanie, on parle des souvenirs d'examen marquants, hein, c'est vrai? Bah oui, ça y est, ils attaquent la philo, les bacheliers, on pense à eux. Du coup, nous, on se plonge dans nos souvenirs et vous aussi sur la page Facebook du Réveil Chéri. Eh oui. On a Audrey Damien qui nous dit, moi, le jour de mon permis de conduire, c'est un examen aussi, hein, j'ai failli écraser une dame. Oula. Que j'avais pas vue sur un passage piéton. Mais c'est l'examinateur qui a dû piler. Ouais. Bizarrement, il me l'a quand même donné. Ouais, il est sympa, hein, c'est rare. Ah, franchement, ça c'est rare. Elle a du pot, Audrey. Hein. Ouais, soit il est sympa, soit il est pas pro. Hein. Il fait l'un des deux, mais bon. Moi, ça faisait deux fois que je passais le code. J'ai eu le permis du premier coup, la conduite du premier coup, mais le code, ça faisait deux fois. Ouais, vraiment, j'ai dit, attends, ça va, là, j'en ai marre. Donc, je parle avec un type qui était dans un fil d'attente avec moi. Ouais. Et j'ai dit, non, tu l'as passé combien de fois, toi? Il me dit, moi, je l'ai passé cinq fois. Et j'ai dit, la dernière fois, t'as fait combien de fautes? Il me dit, une. J'y bouge pas. Je me suis assis derrière lui, je me suis mis en diagonale, tac, tac, tac. J'ai pioncé pendant toute la séance et j'ai copié ses réponses. C'est moche. petit mois. Ah ouais, ouais, ouais. Maintenant, je m'en fous, il y a prescription. De toute façon, je conduis depuis que j'ai 18 ans. J'ai jamais eu un accident. Et j'ai Et sur Vincent, ça s'est bien passé. Juste, je le rappelle, hein, évitez de tricher aux examens. Ouais. Ça peut vous attirer des ennuis. Ce serait dommage. Et si vous voulez me faire avoir des pépins, eh ben, dénoncez-moi et tant pis, j'irai repasser le code. Et ils ont pas besoin, tu viens de te balancer tout seul. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Bon, alors Laetitia à Martigues, à côté de Marseille, du coup, vous êtes là. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour Stéphanie. Salut Laetitia. Alors dites-nous tout, vous c'était pendant votre bac de maths a priori votre souvenir d'examen marquant, hein? Tout à fait. Ben en fait, j'ai eu le coup de foudre pour l'examinateur qui me surveillait. Oh. Oui, il était tellement beau que j'arrivais pas à décrocher mon regard. Et du coup, ben j'ai rendu ma feuille en dernier pour pouvoir lui parler. Et ça a fini que ça a été ma première fois et un bel amour d'été. Ah, voilà. Seulement l'été, dis donc. Seulement l'été, ben c'était le premier amour, hein, bah voilà. Oui, hein. C'est un amour de vacances, et puis on un y repense. Un amour de vacances, voilà. et ben, comme quoi, voilà, il peut y avoir des belles histoires qui naissent de ça. Hein. Exactement. C'est un bon roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. On vous embrasse et on vous dit à bientôt, Laetitia, d'accord? Gros bisous, à bientôt. Salut, Laetitia. Bon, dans un instant, on joue jusqu'à 3000 euros cash à vous offrir sur Chérie FM après Michael Jackson. C'est Chérie FM que vous avez choisi dès votre réveil. Merci d'être avec nous. Il y a Vianney qui se prépare et Tina Turner, la météo de votre ville dans moins de 3 minutes. Mais là, avec Stéphanie et toute l'équipe. Alors d'ailleurs, l'équipe, je compte sur vous. On y va, vous êtes prêts? Nous on joue! Chérie FM. L'anniversaire chérie. Regardez comme elle est belle, cette boîte. Bah oui, évidemment, vous allez me dire, c'est de la radio, on voit rien. C'est normal. Alors, j'ai une enveloppe à choisir et 365 dates. Si c'est la vôtre, vous nous appelez au 3937 et puis c'est tout. Voilà, c'est ça le principe. C'est Vincent qui se charge du tirage au sort. Alors. Il met la main dans la boîte de manière totalement gracieuse. Hop là, 9 février, j'ai la date. Si c'est le 9 février, votre jour de naissance, et bah c'est pas grave, vous nous appelez au 3937. Ouais, jusqu'à 3000 euros cash en jeu. Je l'aime, lui. Oh, c'est beau. Moi, aimez-toi. Eh oui, c'est Vianney qui arrive sur Chérie FM dans moins d'une minute avec la météo. Bon réveil. Le réveil chéri, Vincent, c'est Rudy. Chérie FM. Chérie FM, Pop Love Music. Histoire d'or raconte. C'est l'histoire de Florence qui rêve de mer et de soleil. Avec Histoire d'or, elle aura un avant-goût de vacances. Collection été Histoire d'or, des bijoux pour briller au soleil et en cadeau, une pochette à bijoux. Histoire d'or, votre histoire en bijoux. Voir conditions dans nos 350 magasins et sur histoiredor.com. Intermarché vous propose d'écouter un as du volant. Tu vois, je roulais pépère et d'un seul coup, feu rouge. Ça repasse au vert, je fais à peine 25 bornes et là, panne d'essence. Ah ouais ? Pas de bol. Rendez-vous dans votre Intermarché pour jouer en famille au grand jeu 1000, grand jeu 1000 bornes et tenter de gagner de nombreux cadeaux. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 16 juillet, modalité magasin participant sur intermarché.com. Cultura. Les nouveaux papas sont très investis, complètement branchés. Toujours prêt à changer les couches, à jouer avec les marmots. Il y a eu du progrès depuis le temps où ils passaient toute leur vie au boulot. Mais c'est jamais gagné. Alors pour pas qu'ils se relâchent, eh ben il faut les encourager. Et un petit cadeau de fête des pères, je sais pas, hein, moi je pense qu'il n'y a rien de mieux pour motiver. Bien vu Fabrice. Alors quel que soit leur goût, tous les papas sont à la fête pour le 18 juin. Dans les magasins Cultura et sur cultura.com. Cultura, l'esprit jubile. Chérie. 6h-9h, le réveil chéri de Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. C'est nous, bonjour, bon réveil, il y a Vianney qui se prépare et Tina Turner dans un instant. Et la météo près de chez vous, elle est prête. Allons-y. Bonjour, et votre météo donc sur la métropole rouennaise avec du soleil prévu toute la matinée avec un beau ciel bleu bien dégagé. On aura peut-être droit à quelques nuages en fin de journée, un peu de vent également qui soufflera jusqu'à 45 km/h en rafale. Il fera jusqu'à 25 degrés cet après-midi à Barentin et Notre-Dame de Bondeville. Les températures sont déjà très agréables, 19 degrés relevés à Rouen et Bihorel. Quel temps pour demain? Vendredi, il fera entre 11 et 23 degrés avec du soleil prévu toute la journée. On attend également de belles éclaircies samedi avec un mercure qui oscillera entre 11 et 26 degrés sur la métropole rouennaise. Très bonne journée à tous sur Chérie FM Rouen. C'est Chérie FM, bonjour, bon réveil. Il y a Tina Arena qui arrive et vous au 39-37 pour gagner jusqu'à 3000 euros cash dans un instant. Et le soleil, il est dans Vianney aussi, il est pas seulement dans le ciel aujourd'hui. Soleil dans Vianney, voilà autre chose. Dans la musique, tu veux dire, de Vianney? Évidemment. Ah, le pauvre. Bon, allez, on écoute Vianney sur Chérie FM, c'est Stéphanie Loire et Vincent Cerutti avec vous. Sur mon coussin comme un dessin, comme une tache, c'est ton mascara qui déteint. Quand on se fâche pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessé. Moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte, que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, blessez-moi. Quand moi aimais-toi. Si moi aimais-toi, blessez-moi. Si moi aimais-toi. Quand moi aimais-toi, moi blessez-moi. Loire et vos artistes préférés. Le réveil chéri. Pop Love Music. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm a thousand miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Times are getting hard, but just believe me, girl, someday I'll pay the bills with this guitar. We'll have it good. We'll have the life we knew we would. My word is good. Hey there, Delilah, I've got so much left to say. If every simple song I wrote to you would take your breath away, I'd write it all. Even more in love with me, you'd fall. We'd have it all. Chérie FM à 8h20. Merci d'être avec nous. Dans un instant, il y aura Tina Turner. Et si vous êtes sage, aussi Ed Sheeran et les Fugees. Voilà. Voilà, allez, une pensée pour les bacheliers. Ça y est, ils ont attaqué. Ils sont en train de méditer sur Socrate. Mais nous, on va faire autre chose. Ah ouais, ça y est, c'est parti là. Dis donc, bon courage pour le bac. On pense bien à vous. On joue Chérie FM. Alors attention, j'ai tiré au sort la date du 9 février il y a quelques instants. On est en vidéo, en live sur le Facebook de l'émission. Alors il y a beaucoup de lumière ce matin, on a les yeux tout ébouriffés, mais on est prêt. On va accueillir l'une ou l'un d'entre vous. Il fallait donc être né le 9 février. Il fallait nous appeler au 39-37. Moi, si j'avais su qu'on était filmé, j'aurais fait un brushing, un truc, quoi. Bah non, mais t'es très bien, il n'y a pas de souci. Et alors, c'est qui? C'est Cindy, hein. Cindy, vous êtes là, bonjour. Oui, bonjour Vincent, bonjour Stéphanie. Salut Cindy, bravo, vous avez été la première à dégainer le 39-37, c'est la première bonne nouvelle. Dégainage. Ah oui, j'y crois pas. Vous êtes à Magny-les-Hameaux dans le 78, vous cherchez un emploi et au pire vous allez créer votre entreprise, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Ah bah, c'est bien, au pire ou au mieux, vous avez quoi comme idée? C'est peut-être révolutionnaire. Je sais pas, en tout cas j'ai envie de faire de l'entraide, d'aider les gens autour de moi à sortir de leur dépression, de leur burn-out et tout ça. Là, et Dieu sait qu'il y en a des burn-out. On les voit. Écoutez bien les cadeaux du jour, Cindy, on vous dit tout. Cindy, elle est altruiste, elle aime les autres. Écoutez, il y a une PS4 en jeu, il y a un week-end pour partir à deux en France. Vous choisirez où, Cindy? Et jusqu'à 3000 euros cash. Alors, d'accord. Cindy, attention, l'heure est grave puisque maintenant vous allez devoir choisir entre le paquet cadeau numéro 1, le 2 ou le 3. J'ai les enveloppes avec moi, regardez comme elles sont belles. Attention, belles enveloppes, hein. Vous choisissez lequel, Cindy? On en a parlé avec ma fille tout à l'heure et on va prendre l'enveloppe numéro 1. Très bien. L'enveloppe numéro 1, Cindy joue avec nous cadeau au jeu de l'anniversaire. Numéro 1. Numéro 1, attention. Oulala, très bon Cindy, fini. Cindy, bravo, vous gagnez 1000 euros cash. Bravo. Félicitations. Oh, bah ouais, c'est bien, c'est ça. Génial. Ça peut vous faire beaucoup. Un capital vraiment, de départ. Bah alors. Waouh. Capital de départ pour la boîte ou pour rembourser les factures, pour vous faire plaisir? Eh ben, mon ami a acheté une maison aussi à rénover, donc ça met vraiment du beurre dans les épinards. Vraiment, merci beaucoup. C'est... On est ravis, Cindy. Wow. Sachez que ce beurre, il est un petit peu salé parce que le beurre doux, on n'aime pas. Nous. Et j'adore le beurre salé. Ah ben, tant mieux, on est ravis de contribuer aux travaux et à vous donner un petit coup de pouce. On vous embrasse. Ça fait super plaisir. Bah, gros bisous. Merci beaucoup, Stéphanie, Vincent. Ça fait 3 ans que vous écoutez. Ah bah, je finissais par me dire le 9 février, ça sort jamais. En fait. Et vous savez quoi, je vous offre en plus mon mug. Vous savez, le mug de Vincent avec toutes les petites phrases que je vous raconte depuis 3 ans. Je vous embrasse fort, bisous. C'était Cindy sur Chéri FM, au revoir. FM, Pop Love Music, bonjour, il est 8h25, les infos arrivent et les mots interdits se préparent, bien sûr. D'ailleurs, je suis en train de bosser là. Je suis exactement, taquet. Parce que nous on prépare un peu histoire de vous servir au mieux. On fait équipe avec vous, vous nous appelez 3937. Ouais. Vous devinez un maximum de mots en 45 secondes. Aujourd'hui, c'est avec Vincent que vous faites équipe et en jeu un très beau cadeau. Alors, un téléviseur plus lecteur Blu-ray pour fêter la sortie du DVD du film 50 nuances plus sombres, record à battre, celui de Cécile de Blois mardi, hein, qui avait trouvé 6 mots. Alors, vraiment beau score. Hein. Voilà, et je rappelle que la télé que vous gagnez est magnifique, la qualité. L'image est parfaite, ça vous permet de voir même tous les défauts des gens que vous voyez à la télé et de juger s'ils ont une peau nette ou non. Attention, il y a un cil sur la joue. dans un instant, Sia sur Chéri FM, il y aura aussi Daniel Balavoine. Bon réveil avec nous. Bah ouais, c'est Chéri FM. Chéri FM, pas plein de musique. Vous êtes invité avec Chéri FM au concert de Céline Dion. Écoutez Chéri FM chaque jour avant 9h pour connaître le disque secret Chéri FM. Et à tout moment de la journée, dès sa première diffusion en intégralité sur Chéri FM, appelez le 3937. Pour que tu m'aimes encore. 50 centimes la minute. Et gagnez vos places pour applaudir Céline Dion à Paris. C'est une nouvelle chanson. Et à Lille. La toute première fois ce soir. Chéri FM, Pop Love Music.

On n'ose même pas parler après ça, on a l'air fin, je vous jure. Hein. Dans un instant, Ise et Daniel Balavoine, bienvenue. Bienvenue, vous nous avez choisi pour démarrer votre journée sur Chéri. Vous avez eu raison parce que tout de suite, c'est Vincent qui s'en charge et vous allez gagner. Ah oui. Les mots interdits du Réveil Chéri. Une belle journée parce qu'on l'a décidé, vous le savez, attention à gagner un téléviseur, lecteur Blu-ray pour fêter la sortie du DVD, du film 50 nuances plus sombres avec Chéri FM. On accueille Olivia de Nîmes. Bonjour Olivia de Nîmes. Bonjour Vincent, bonjour Stéphanie. Salut Olivia, bienvenue, vous nous avez appelé pour jouer avec Vincent. Vous allez faire équipe tous les deux, vous avez 45 secondes pour deviner un maximum de mots. Ouais. Attention, Vincent s'est préparé, est chaud, c'est un athlète. Comme une baraque à frites, hein. Si vous savez pas, vous dites je passe, mais essayez de savoir, d'accord? Et précision, d'accord. Olivia, il faut battre 6 mots, c'est Cécile de Blois qui les a devinés. Alors, on y va, c'est okay. Parti, go. Dans allez. Un jeu coquin, on a le droit de mettre une... Il y a un bruitage. Non, une fessée quand même. Ok. Comme un serre-tête, les filles peuvent mettre un. En tissu. Ah, t'as dit tête. Ah oui, c'est vrai. Alors, Vincent. Alors, aujourd'hui, les lycéens ont un examen, c'est le. Le bac. Ah, un point. Le français. Autre mot pour dire participant, par exemple, à un casting, on dit qu'on est. Candidat. Bien, deux points. Non. Paris Match, l'Express, le point, ce sont des. Des journaux? Non, bah l'autre alors. Je sais pas. Bon, ça des passe. Magazines. Pour voler la chenille, elle devient un. Un papillon. Ah, oui. Ah, dis donc. Moi je sais plus. Vraiment, on m'avait tué 3 points. 3 points. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je me dis, dans un jeu coquin, on a le droit de mettre une. Oui, mais alors attends. Ah ouais. Et justement, il faut revenir là-dessus. C'est pas pour tout le monde. Tout le monde n'aime pas les fessiers. J'ai dit. Excusez-moi. J'ai dit désolé. Hein. Attendez, stop. J'ai dit, on a le droit. J'ai dit, on a le droit. Il y en a certains qui voilà. y pensent j'ai même pas. J'ai pas dit, il faut. J'ai dit, on a le droit. Après, bon. Olivia, vous avez le droit de ne pas aimer les fessiers dans les jeux coquins, après tout. Mais... Oui, tout à fait. Vous n'aimez pas les fessiers dans les jeux coquins, donc. Non, je préfère autre chose. D'accord. Mais cela dit. Bon, écoutez, Olivia, je pense que les lycéens sont rentrés, les enfants sont à l'école, vous pouvez y aller. Allez-y. Olivia, même si vous n'aimez pas, on a le droit. Oui, tout à fait, on a le droit. Eh ben, tout moi, j'ai le gauche. On vous embrasse. Bonne journée, Olivia, du côté de Merci Nîmes. Au revoir. On embrasse Olivia et je rappelle, hein, même si Olivia n'aime pas les fessées, elle n'en dégoûte pas les autres. Non. Ah, ça fait du bien, tiens. Je parle pas de la fessée, je dis de rire comme ça. C'est Chéri FM. Oh, Bienvenue sur Chéri FM à 8h43 avec dans un instant Claudio Capéo et Ease. Et un mot sur Amir, car il était hier aux 24 heures du Mans pour la séance d'essai de qualification de cette course formidable, dont le départ sera donné d'ailleurs samedi à 15h. Et Vincent, alors, il sera bien sûr comme chaque année. Ah oui, ça c'est sûr. Et il a chanté, les images sont magnifiques, on va vous les mettre sur la page Facebook du Réveil Chéri. Et si vous rêvez de chanter avec Amir, eh bien c'est possible. Ouais, c'est possible sur Chéri FM. Il vous suffit de vous filmer en train de chanter ce titre d'Amir, vous le postez avec sur chérifm.fr et c'est Amir qui vous choisira pour faire un duo. Et c'est Mélanie que nous allons écouter aujourd'hui. Elle nous a envoyé sa vidéo, justement, petit extrait. Change au cœur de moi, au fond de mes abîmes, dis-moi ce que tu vois. C'est pas mal. Hein. Plonge au cœur de moi, et quand tout me décime, je veux renaître en toi. Ah bah bravo, alors, vraiment, bravo. Ouais, c'est bien, et hein. A cappella, en plus, bravo. Hein, quoi qu'il arrive, c'est Amir qui choisira. On a beaucoup de vidéos, mais dépêchez-vous, vous avez jusqu'à mardi pour tenter votre chance. Après, il sera trop tard. Alors, bonne chance, on croise les doigts pour vous. Filmez-vous ce week-end, tranquillement. Et puis, nous, on va revenir avec Céline Dion. D'ailleurs, on ne bouge pas, il y a Ease dans moins de 2 minutes dans le Réveil Chéri. Écoutez la note, hein, parce que ça barre. Je suis tellement à 41 d'être là. Le Réveil Chéri. Bon, Oscar. Papa va être très occupé aujourd'hui. Mais alors, on va plus à Bubble World ? Eh non. Mais t'avais promis. Oh, c'est pas beau de mentir, Oscar. J'ai dit qu'on ira à Bubble World à moins qu'il y ait les offres immédiates Opel. Et paf, ce sont les offres immédiates Opel. Reprise Argus, plus 5000 euros pour l'achat d'une Opel Astra. Alors... Mais c'est pas juste. Ah non, pas de caprice, égoïste. Eh oui, en ce moment, grâce aux offres immédiates Opel, bénéficiez d'une reprise Argus, plus 5000 euros pour l'achat d'une Opel Astra. Conditions sur opel.fr. Portes ouvertes les 17 et 18 juin, selon autorisation. Attention les filles. Pour l'été, préparons notre corps au Farniente. Chez Esthetic Center, une épilation vous est offerte pour deux achetés. Esthetic Center, la beauté à prix doux sans rendez-vous pour elle et lui. Primé aux victoires de la beauté 2016-2017. Offre valable jusqu'au 24 juin 2017, voire conditions dans les instituts Esthetic Center. Vous savez, aujourd'hui quand vous êtes architecte, vous devez être la plus rapide à répondre aux appels d'offres. Alors dans mon cabinet, c'est pareil. Mon accès internet doit être le plus rapide possible. Mes fichiers très lourds, j'ai besoin de les envoyer et de les télécharger comme ça. Moi, ça me paraît normal, non ? Entrepreneur, avec la fibre dédiée de SFR Business, développez tout le potentiel de votre entreprise grâce au très haut débit garanti à 100 Mbps. Appelez le 1030 ou rendez-vous sur sfrbusiness.fr. SFR Business, libérons l'énergie d'entreprendre. Sous réserve d'éligibilité à l'offre SFR Connect Fibre. Détails et conditions auprès de votre interlocuteur commercial. Babou, babou ! T'as vu toutes ces étiquettes de couleurs chez Babou ? C'est 2 égale 3 chez Babou. 2 égale 3 ? J'achète une robe femme, un rideau, un t-shirt homme ou enfant, avec une étiquette de couleur, et le troisième est gratuit. Gratuit ? Mais c'est fou ! Babou, babou ! Choisissez 3 étiquettes de couleur, quel que soit le rayon, Babou vous offre le moins cher des 3 articles. Voir modalité en magasin, offre valable dans tous les magasins sauf Perpignan et Belfort. On dit que Joe a trouvé de l'or plus bas dans la vallée. Non, on dit surtout qu'il a trouvé un crédit à 0% chez Ford. Ça va être la ruée vers l'offre. Tu l'as dit. Pendant les portes ouvertes du 17 et 18 juin chez Ford, profitez d'un crédit exceptionnel à 0% sur la gamme. Ouverture dimanche 18 selon autorisation. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés et 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10 000 euros. Si acceptation par Ford Crédit, offre valable jusqu'au 20 juin selon stock disponible. Voir Ford.fr. Voici mon rêve. Ça, c'est mon rêve. Non, c'est mon rêve. Mon rêve. Mon rêve. Mon rêve. Le rêve de tous devient enfin réalité à PortAventura World. Nouveau parc Ferrari Land. Rêvez. Vivez, ressentez. Entrée plus hôtel jusqu'à 50% de réduction. Consultez les conditions et réservez dans votre agence de voyage ou sur portaventuraworld.com. Chéri FM. Votre réveil chéri, Vincent Cerutti avec Stéphanie Loire. Pop Love Music. Démarrez la journée de meilleure humeur. Upon a star.

Les enfants, papa a une nouvelle à vous annoncer. Bon alors, j'ai fait les comptes. Cet été, on ne part plus à la mer chez Tata Josie. Quoi ? On part à l'aventure en Australie ! Comment ça, en Australie ? Eh oui, mon cœur ! Chez Nissan jusqu'au 30 juin, pour l'achat d'un Nissan X-Trail ou d'un Juke, les trois premières mensualités sont remboursées. Et donc, avec ces économies, à nous les vacances de rêve ! Oh, super ! Portes ouvertes ce week-end chez Nissan Rouen, groupe Guedet, 3 rue Jean Angot. Offre réservée aux particuliers, voire conditions en concession. Et si on allait à Super Burger ? Attends, d'abord on va sur reducavenue.com. On imprime un coupon de réduction et après on y va.